À toi, mon frère, que j'ai aimé comme ta... À toi, mon frère, que j'ai aimé comme ta père. Compagnon d'armes, mort sur la route du devoir, te voilà maintenant rendu au pays des disparus, mort pour l'honneur des trois couleurs. Toi qui l'auras trop bien aimé, et parfois même abusé, te voilà donc dans la bière. Dors, soldat Morales, dors dedans ta caisse. Car par-delà de ta mort et de ces vers qui te picorent, dans mon esprit tu brilles encore. Enfant de Marie, tu t'en guignis, de la nation tu fus le pupille. Bébé martyr et violé, tu devins vite alcoolisé. Tu étais simple dans ta tête, tu étais simple dans tes gestes. La société t'a rejeté. Et c'est l'armée qui t'a aimé. Sur des paroles de par moi-même. Et une musique de la tour en chef Jean-Pierre, 317e bataillon du 32e Rimor. Chanson pour Morales, compagnon de combat. Dans la campagne de France, j'avais un compagnon. Que j'aimais, il était mon ami, mon frère, comme une sœur dans mon cœur. Je l'aimais, mort dans la rizière, la gâteau, déchiqueté et intubérisé, et sur cette mise du à sauter d'être brûlé. Morales, Morales, disparu au chant d'honneur pour sauver les trois couleurs. Morales, Morales, toi qui voulais voyager, me voilà éparpillé. Je t'ai pleuré, mon camarade. Mercedes là, et rien ne te remplaceront. Ni la pierre, ni ma mère, ni mon âme, ni les dames. L'enfant, mais l'avenir des pauvres, comme dit Tarantou, roi des cons.